ancien spécialiste ou spécialiste. Claque des brouilles, pas pessimiste, pas défaitiste, mais réaliste. Je prends des risques, un alchimiste. La main gauche, juste un spécialiste, au spécialiste, à nos spécialistes. Claque des brouilles, pas pessimiste, pas défaitiste, mais réaliste. Je prends des risques, un alchimiste. La main gauche, je transforme ma colère en or tout en portant mes couilles à bras corps. Dis-toi que la porte l'argent sale qui peut se finir dans un grain de sang. Aujourd'hui on se marre ensemble, demain on se descend. Ton blizzard, je vois rouge depuis adolescent. Que tu vises l'art, que j'essaie plus de comprendre les gens. Si tu payes cash content ou fou quand, fils de, j'ai pas le temps. Le respect c'est perdu comme la valeur du franc. Il suffit un temps à cogiter sur un banc. Des flaques de pisse, l'odeur du bitume. HLM bâtiment, de belles fonds jusqu'à la piste. J'ai vu que j'étais un plaque dans un pays de raciste. Force de police sur un mur, voilà la promesse au lance l'artiste. Je ressens encore la douleur de mes cicatrices. Spécialiste, votre privé calmement. Sur ma playlist. Je suis un spécialiste, ton spécialiste. Claque des brouilles, pas pessimiste, pas défaitiste, mais réaliste. Je prends des risques, un alchimiste. La main gauche, je suis un spécialiste, au spécialiste, à nos spécialistes. Claque des brouilles, pas pessimiste, pas défaitiste, mais réaliste. Je prends des risques, un alchimiste. La main gauche, j'ai acquis de l'expérience à force d'être un rôdeur. Plus habitué à cette life dans toute sa laideur. Le ventre est frigo, vu ce soir, je me la joue, my gaver. Y'a pas tout métier, on s'en sort avec les moyens du bord. Facile d'être une cible face à la loi du plus fort. J'aime inaccessible sans leur prouver qu'ils ont tort. Fier comme t'as pas idée, juste un pirate à bord. Pas besoin de retourner ma veste pour se fondre dans ce décor. Himalaya, FST, Piranha de la Mayana. Toi tu fermes ta gueule ou fonce dans le tas. Inutile ça fait frère, si on s'aide pas, on s'aime pas. J'suis devenu un père que j'aurais pas. Si t'as des verres pilés sous mes pas. Les plus minimeux sont ceux qui se plaignent pas, qui se laissent pas. D'être connu au maximum ne m'intéresse pas. Plutôt visiter ce monde où les coups de pute ne m'atteignent pas. J'suis un spécialiste, ton spécialiste. Claque des brouilles, pas pessimiste, pas défaitiste, mais réaliste. Je prends des risques, un alchimiste. La main gauche, j'suis un spécialiste, au spécialiste, à nos spécialistes. Claque des brouilles, pas pessimiste, pas défaitiste, mais réaliste. Je prends des risques, un alchimiste. La main gauche, spécialiste ou spécialiste. Claque des brouilles, pas pessimiste, pas défaitiste, mais réaliste. Je prends des risques, un alchimiste. La main gauche, juste un spécialiste, au spécialiste, à nos spécialistes. Claque des brouilles, pas pessimiste, pas défaitiste, mais réaliste. Je prends des risques, un alchimiste. La main gauche,